20h très précise, place tout de suite au Galaxy Live du mardi soir à partir de 20h, comme tous les mardis depuis le début de l'année. Et bien direction l'Escape Concept avec le mix de Manu Kenton qui était venu il y a un peu plus de 3 semaines maintenant pour justement l'anniversaire de Guillaume, le Light Jockey, l'Escape Concept, ambiance garantie. Voici une heure du mix orchestré magistralement par Manu Kenton qui nous fait une rétro, mais rétro à partir de 98, 99, 2000 et repart aussi un petit peu en 96, mais tout ça vous allez pouvoir l'entendre tout de suite avec l'ambiance de l'Escape Concept juste après le jingle du Top Horaire 20h. Galaxy out of time. We'll be right back. anthem. Paranoid. Thank you. Galaxy avec un instant le mix de Manu Kenton enregistré à l'Escape Concept il y a de ça quelques semaines maintenant. Et vous étiez très très nombreux à assister à cette soirée spéciale. Manu Kenton donc pour un set rétro depuis l'année 97-98 jusqu'à 2003-2004-2005 pour un très très bon set que vous avez pu entendre à l'instant sur la fréquence de Galaxy.